Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, chef de la délégation coréenne, a prononcé le 26 un discours à la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN tenue à Vientiane du Laos. Il a dit notamment: à l'historique 7e congrès du Parti Travail de Corée tenu en mai dernier, le maréchal Kim Jong-un a présenté la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale et la ligne originale de réunification du pays par méthode de système fédéral à partir de l'indépendance nationale. Suivant cette ligne, la République populaire démocratique de Corée s'est attaquée à l'accomplissement de la stratégie quinquennale en convergeant des nouveaux efforts pour améliorer les rapports intercoréens à travers les dialogues et négociations. Toutefois, les États-Unis intensifient la menace militaire et la sanction économique incessante contre notre pays et profanent ces jours-ci notre prestige suprême sous prétexte du problème des droits de l'homme inexistant, ce qui est une action hostile à l'extrême. La définition des essais des armes, notamment nucléaires, et lancement de satellites, comme la menace contre la paix et la sécurité internationale, n'existe ni dans la charte de l'ONU, ni dans les clauses du droit international. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU considère arbitrairement seuls nos essais nucléaires et lancements de satellites comme menaces contre la paix et la sécurité internationale pour adopter les résolutions qui les interdisent, ainsi que d'autres résolutions sur sanctions successives sous prétexte de notre violation. Un abus du pouvoir au-delà de la charte de l'ONU suivant un objectif politique, voilà l'essence des résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée. À ce propos, nous avons réclamé officiellement l'éclaircissement de l'équité des résolutions de sanctions au secrétariat de l'ONU qui ne donne aucune explication. Déjà il y a 3 ans, notre parti a avancé la ligne de promotion simultanée de l'édification économique et du développement des armements nucléaires. De la sorte, aujourd'hui, notre dissuasion nucléaire a atteint le niveau capable de remplir à merveille sa mission. Si en août prochain, la situation de la péninsule coréenne sera en état de hors contrôle, cette responsabilité retombera entièrement aux États-Unis qui ont lancé les premiers la déclaration de guerre en préjudiciant à la dignité suprême de la République populaire démocratique de Corée et introduit les biens stratégiques nucléaires dans la péninsule coréenne. Le gouvernement de notre République fera de son mieux pour mettre un terme radical au danger de guerre nucléaire imposé par les États-Unis au moyen de sa dissuasion nucléaire puissante et pour défendre la paix dans la région et le reste du monde.